Bon, alors je vais commencer, je vais prendre la parole. Je vais d'abord commencer par remercier Mathilde et Emilien de nous avoir invités à discuter ces questions importantes, enfin en tout cas à nos yeux. Alors on a réfléchi un peu avec Patrick comment on pouvait vous présenter le fonctionnement de la chaire, ses intérêts, sans vous endormir, parce que ça peut, faut pas que ce soit trop institutionnel. On a plein de projets, donc on va pas vous faire une liste des projets qu'on a, notamment avec la DGAFP, j'y reviendrai. En fait, on a trouvé un biais qui nous permettait de concilier ces deux approches. Je vais donner quelques éléments sur les chaires, enfin la chaire à Sciences Po, cette chaire-là, son fonctionnement. On a beaucoup travaillé dans la chaire de Daniel, mais voilà, elles ont des fonctionnements assez différents. Et puis ensuite, on vous présentera un peu de contenu, c'est-à-dire une des questions qui nous occupe dans la chaire. Et donc, c'est une façon de présenter de manière un peu plus concrète. Les travaux de la chaire. Voilà. C'est une chaire, la chaire de transformation des organisations et du travail, qui n'est pas spécifiquement sur les questions de santé, même si Patrick et moi, Patrick le dira, on a beaucoup travaillé sur les politiques de santé. Récemment, on a terminé une grosse étude sur le fonctionnement de l'Agence du médicament, hein, qui avait besoin de ce. On a terminé il y a quelques semaines une étude sur le fonctionnement de trois services d'urgence de la région parisienne, justement, et comment ils arrivaient à tenir pour éviter d'avoir trop de brancards dans les couloirs et puis d'épuiser en même temps leur personnel et de les fidéliser, parce qu'il y a il y a une nécessité de recruter des jeunes internes, de fidéliser des cadres infirmiers, des infirmières. Si ça vous intéresse, on pourra dans la discussion. Donc on a toutes sortes de terrains sur ces questions de santé, mais la chaire a vocation à embrasser le fonctionnement des organisations au sens large, et c'est illustré par les partenaires de la chaire, puisque nous sommes soutenus par deux organisations privées. La première, c'est Orange, qui a un statut assez particulier. Alors, c'est une entreprise privée, mais qui a une histoire de proximité avec la fonction publique, évidemment. Un autre qui s'appelle le groupe Vive, qui est un groupe de mutualistes. Donc là aussi, c'est un privé particulier. Dedans, il y a la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, notamment, la Mutuelle des fonctionnaires. Donc c'est un groupe privé, mais à la fois par son statut et par les personnes qu'il couvre. Et puis qui a des activités également de gestion d'établissements, de soins et d'établissements médico-sociaux. Et puis nous avons deux publics. Nous avons la DGAFP. Je remercie Nathalie du soutien d'emblée qu'elle a apporté à notre initiative il y a maintenant un petit peu de temps, mais ça met du temps de signer des conventions. Donc il y a un peu de temps, mais dans les faits, ça fait longtemps qu'on Oui, travaille avec ces équipes. Voilà. c'est déjà ça date du Covid. Exactement. Et puis un autre partenaire qui est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui, comme vous le savez, doit réaliser une politique publique absolument gigantesque, au moins aussi ambitieuse peut-être que la politique de transition, c'est préparer effectivement la prise en charge, l'accueil dans les meilleures conditions possibles d'une population qui, comme les populations européennes, françaises, vieillit, voilà, et a toutes sortes de besoins. Voilà, donc on a ces quatre partenaires et grosso modo. Comme beaucoup de chaires à Sciences Po, Daniel donnera peut-être un petit éclairage différent, mais on organise des recherches, on fabrique des enseignements à partir de ces recherches, si possible. Donc on a pas mal d'enseignements, notamment avec Patrick, ou moi tout seul, ou les autres membres de la chaire qui viennent, dans lesquels on vient déposer aux étudiants les derniers résultats. Alors, on va vous en présenter certains. Et puis, qui a une activité un peu comme celle d'aujourd'hui, voilà, d'organiser des débats, des échanges, des rencontres. Voilà. Alors, la chaire, elle travaille, en fait, comment elle est née? Elle est née justement parce que toute une série d'acteurs publics et privés, ces derniers temps, sont venus au Centre de sociologie des organisations. Sciences Po, vous le savez, a une histoire de la sociologie des organisations et une histoire d'aide, d'accompagnement aux transformations des organisations. Michel Crozier avait commencé ça il y a un certain temps, et puis ça se continue, et la chaire, elle a un peu vocation, d'une certaine manière, à perpétuer, tout en le renouvelant, en le revivifiant, un peu l'héritage de Michel Crozier. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de demandes en externe. On a plein d'organisations, y compris, voilà, on a eu Service Public comme Haut de Paris, qui est venu nous voir parce qu'ils se transformaient, qu'ils avaient besoin d'un peu d'aide dans un climat syndical compliqué, mais une très très belle institution. Le ministère des Armées est venu nous proposer de travailler avec eux il y a 2 ans. Parce qu'ils avaient un gros projet de digitalisation et de transformation de leur système informatique. Il y avait beaucoup de résistance sur les terrains, dans les différentes bases. Là, on vient d'être contacté par l'Université de Guyane, qui a un énorme projet magnifique de création de centres de recherche autour de la biodiversité, enfin de tous les enjeux que ce type d'institution sur ce territoire particulier peut avoir. Voilà, donc on avait. Et une demande interne, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants de plus en plus nous disaient, ben, on va tous bosser dans des organisations, à l'ONU, des ONG, des associations de loi de 1901, dans la fonction publique, dans des entreprises privées, des cabinets de conseil, il y en a besoin. Alors, ils ne sont pas venus taper à notre porte en disant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous faire l'honneur de faire un cours? Mais dans les échanges avec les directions pédagogiques des différentes écoles, ce besoin s'est formalisé, s'est construit, et on intervient maintenant beaucoup dans beaucoup d'écoles de Sciences Po comme un cours de base, équiper les gens de lunettes qui leur permettent de comprendre l'environnement complexe des organisations, comment se mouvoir, et puis d'une manière générale, la topographie accidentée des politiques publiques. Quand vous prenez en charge un ministère ou une préfecture, voilà, c'est pas mal d'avoir, de connaître, voilà, les différents acteurs. Alors sur la santé, on a écrit un article avec Daniel et Patrick il y a quelques années. C'est vraiment un endroit où la gouvernance est très éclatée, très distribuée. Voilà, vous n'avez pas, comme longtemps il y a eu, ministère de l'Agriculture et FNSEA qui, entre guillemets, presque seul, participe à la destinée. La santé, on a plein d'acteurs, c'est très hybride. On a des cliniques privées, on a des cliniques privées à but non lucratif qui participent au service public. On a bien sûr la fonction publique hospitalière. Il y a l'assurance maladie d'un côté, l'État de l'autre, même si depuis 2004, il y a eu une forme de réétatisation du pilotage. Ça reste quand même assez distribué. Des syndicats de professionnels très éclatés. Voilà. Donc, on pense que cette approche de sociologie des organisations, elle permet de comprendre, voilà, la texture d'un champ organisationnel pour agir. Et finalement, et c'est ça le pari de cette chaire aussi, c'est de construire, c'est que la transformation du service public passe aussi par la transformation des processus de production des biens publics. Et notamment par la coopération entre toutes sortes d'acteurs, publics, privés. Hein, ça, c'est vraiment un constat que pointent l'ensemble des politistes depuis 20 ans. Voilà, on n'a plus un État qui fait directement en permanence. Souvent, il délègue, souvent, il organise, souvent, il ordonne. Et au cœur donc de cette chaire, il y a ces questions de coopération. Hein, voilà, parce que quand vous regardez, si on prend le simple champ de la santé, beaucoup des mesures, des plans, y compris récents, c'est des plans qui visent à créer des dispositifs organisationnels pour faire coopérer des gens, la ville, la médecine de ville, l'hôpital, pour faire coopérer les hôpitaux entre eux, pour faire coopérer les médecins généralistes entre eux. Donc il y a toute une série de dispositifs organisationnels qui ont été mis en place pour, finalement, donc, une politique publique, c'est aussi une politique d'organisation. C'est pas simplement créer un nouvel impôt, faire un transfert d'un segment de la société à un autre, interdire, inciter, s'adresser directement aux citoyens. C'est aussi beaucoup tenter d'organiser l'activité de ceux qui produisent. Et ça, on le voit. Alors, on va parler de la santé aujourd'hui, mais on le voit dans plein d'autres champs. Donc cette chaire, elle travaille notamment sur la façon dont se transforment les organisations, quel impact ça a aussi sur le travail. Une transformation qui est, j'ai envie de dire, la conséquence d'injonction à la digitalisation. Et puis là, une conséquence d'injonction à la prise en compte de plus en plus importante des enjeux environnementaux, qui font que des entreprises privées cherchent à se transformer depuis la loi Pacte en entreprises à mission, etc., etc. Et aussi de préparation de crise, c'est-à-dire qu'on a des organisations publiques, privées, qui savent qu'elles doivent un peu modifier ou se préparer. Et là, l'approche organisationnelle peut aider aussi à se préparer, parce que en crise, il faut coopérer. On va y revenir. À l'hôpital, il fallait vraiment coopérer. C'est ce qui nous a intéressés aussi sur ces questions-là. Je me dépêche, je me rends compte. Je suis voilà. Donc cette chaire, elle travaille un peu. Donc on a un gros projet, par exemple, en ce moment sur le télétravail dans la fonction publique. Hier, on était dans les locaux de la DGAFP avec des représentants de la RH du ministère, enfin des finances, et qui voilà, ils ont plein d'expérimentations, plein d'enjeux. Et par exemple, la question qu'on se posait, c'est on va faire une étude pour essayer de comprendre comment le télétravail contribue ou pas à affaiblir les collectifs de travail, à favoriser ou pas la coopération. D'autant plus que, comme vous le savez, il y a aussi des RTT. Si on rajoute à ça l'expérimentation voulue de la semaine en 4 jours, c'est pas la semaine de 4 jours, c'est la semaine en 4 jours. Et comment on fait pour maintenir les collectifs, pour que les gens, voilà, RTT, télétravail, plus semaine en 4 jours, ça fait des relations au territoire de travail, aux espaces de travail particuliers, donc peut-être au travail, et donc aussi peut-être à la coopération, surtout qu'il y a du turnover, il y a du renouvellement, voilà, donc comment on continue d'avoir des gens qui coopèrent pour produire ce service public. C'est vraiment juste un petit exemple, enfin pas non, un gros exemple, mais un exemple d'un des axes de recherche de la chaire. Très rapidement alors, on va rentrer un peu dans la substance. Là, c'était un peu descriptif et un peu ennuyeux. J'espère que ça va être plus intéressant maintenant. Un des cœurs d'intérêt, comme je vous le disais, intellectuel de la chaire, c'est la question de la coopération. Et finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça, c'est assez récent. C'est que toute une série de questions RH qui restaient jusqu'à maintenant assez confinées dans les espaces professionnels, publics, privés, RH, ont été mis sur le devant de la scène, ont été publicisés dans les médias, dans l'espace public. Voilà, on parle des problèmes d'attractivité, des problèmes de difficulté à recruter. Dans le privé aussi, hein. Voilà, Farandou, il va vous dire, moi, la SNCF, y compris sur les postes considérés comme les plus nobles de conducteurs de TGV, j'ai du mal à recruter. Alors, je ne parle pas des questions de santé, hein, vous le savez, notamment, il y a là aussi toute une série de besoins. On a beaucoup parlé de la perte de sens au travail, et je pense que votre ministre a beaucoup travaillé sur cette question de comment on reconstruit un sens qui est aussi un lien nous permettant l'engagement des équipes. On a beaucoup parlé du turnover, de l'absentéisme, du quiet quitting, hein, c'est un terme anglais, vous le savez, qui désigne le fait que bah, des gens restent focalisés sur leurs tâches, font juste ce que prévoit leur feuille de poste. Il est 17 h, je pars. Qu'on a beaucoup de mal à faire coopérer, à engager, à faire travailler, voilà, qui sont vraiment sur une position de repli. Et ça, ça n'existait pas dans l'espace public comme ça. Alors, on a parlé aussi aux États-Unis de la grande démission. Et évidemment, la crise du Covid a été un élément de catalyse un peu de choses qui étaient en germe. C'est-à-dire, ça a accéléré la saillance d'un certain nombre de difficultés. De manière très caricaturale, quand on regarde les réponses qui sont promues par les employeurs ou les pouvoirs publics, elles sont de quatre ordres qui sont tout à fait importants. Un premier ordre qui est un ordre symbolique, je viens d'en parler. Symbolique, ça n'a pas forcément de connotation péjorative dans notre bouche. C'est comment recréer ce sens au travail? On le voit aussi dans le privé, hein, beaucoup. Voilà, comment on crée une identité de marque, pour parler comme dans le privé, qui fait que les gens vont s'identifier et se reconnaître dans le projet qui est porté par l'organisation. Hein. Là aussi, je sais que votre ministre a des initiatives sur cette question. Donc, comment on recrée ce sens? Bien sûr, toute une série d'actions matérielles. Voilà, le Ségur de la santé, il faut améliorer les conditions de travail, la qualité de vie au travail, les espaces de travail, bien sûr, tout ce qui concerne les rémunérations, hein, c'est un problème essentiel, et dans beaucoup de secteurs, pas simplement dans la santé, beaucoup de secteurs de l'action publique, mais dans le privé aussi, hein. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées comme ça. Fonctionnel, troisième type de réponse qui est apportée par les directions, c'est comment j'enrichis les tâches ou au contraire, comment je diminue les responsabilités pour des gens qui couvrent un éventail trop large d'activités et qui s'épuisent. Et puis, j'ai envie de dire managérial, beaucoup de travaux autour de, finalement, comment on équipe en soft skill. Alors, si on se pouvait bien sûr travailler aussi là-dessus, en soft skill, en capacité relationnelle, en capacité d'empathie, et en capacité de leadership, quelqu'un, donc beaucoup de travaux en sciences de gestion, dans les organisations, sur cette question du nouveau leader. Voilà, le leader, c'est devenu le mot, c'est l'alpha et l'oméga du bon comportement de la direction, et beaucoup de choses dessus. Alors, nous, on considère que ces éléments sont très importants. Voilà, ça fait partie des outils classiques, j'ai envie de dire, du management. Depuis que le management existe, depuis le tournant 1900 et Taylor, ce sont des éléments qui ont été progressivement développés. Mais on trouve que c'est un diagnostic, ça s'appuie, en fait, sur un diagnostic essentiellement psychologique ou économique de ce qu'on peut appeler la crise du travail actuel. Alors, ça peut se débattre, hein. Est-ce qu'il y a vraiment une crise du travail ou pas ? Je vous propose que pour des questions de simplicité, on accepte qu'il existerait quelque chose, en tout cas médiatisé, comme la crise du travail et du lien au travail. Nous, on voudrait présenter une hypothèse sociologique et insister sur l'importance de la dimension relationnel, et pour nous, s'il y a une perte de sens au travail, elle n'est pas tellement liée, ou elle est moins liée à l'idée que tout d'un coup, les enseignants du collège et du lycée ont perdu leur vocation, elle est moins liée au fait que tout d'un coup, le médecin n'a plus du tout envie de soigner ses patients et de travailler à l'amélioration de la santé des populations. Pour nous, c'est qu'il y a une complexification des conditions de l'accomplissement des tâches qui sont jugées comme essentielles, nobles, importante au cœur du métier d'un certain nombre de professionnels. Et on va rester sur la santé. Ça, on l'a beaucoup vu avec Patrick sur la crise du Covid. On a fait un petit bouquin et on a très vite fait des interviews à l'hôpital. J'ai envie de dire fin mars, début avril. Hein, on a commencé à faire des interviews. Donc, on a téléphoné dans les hôpitaux. On était en Zoom. Tout ça s'improvisait. Et on a fait des interviews avec des soignants, notamment des anesthésistes réanimateurs et des réanimateurs médicaux, qui, en temps normal, sont un peu en compétition autour du recrutement des internes, de toutes sortes de ressources au sein de l'hôpital. Et donc des gens qui, parfois, avaient passé 20 heures à réanimer des gens en activité de réanimation, qui étaient épuisés. Et beaucoup de gens nous ont dit, mais on l'avait vu aussi dans des administrations, dans des agences de santé, dans certains interviews, dans des directions d'administration centrale, chez des membres de cabinet, avec lequel on a commencé aussi à faire des interviews. Beaucoup de gens, beaucoup de ces médecins, pour prendre cet exemple des médecins, nous ont dit « c'était horrible, je suis réanimateur médical, donc j'interviens quand il y a plus de 3 organes qui sont défaillants, autrement dit, j'ai l'habitude de la mort ». Voilà, parce que quand vous imaginez 3 organes défaillants, ça devient vraiment complexe. Mais là, ça a été une médecine de guerre, c'était vraiment très dur. On l'a fait dans pas mal d'hôpitaux qui ont été des hôpitaux dans l'Oise, dans l'Est, dans les hôpitaux de référence à Paris, donc des gens qui ont été confrontés vite à des situations très compliquées. Mais ils nous ont dit, et ça a été, y compris d'ailleurs chez pas mal de DRH, on a retrouvé le sens de notre travail, notamment parce que ça a ouvert des capacités de coopération incroyables. On a bossé avec des gens, on ne bossait pas. Alors on pourrait revenir sur les conditions qui expliquent pourquoi ils ont particulièrement bien bossé selon nous à l'hôpital, je vais pas m'étendre là-dessus, mais notamment le fait que voilà, il y avait un peu de tension entre la lignée managériale à l'hôpital et la lignée soignante, c'est ancien, c'est un sillon qui se creuse, se remplit, se recreuse depuis longtemps, mais là, voilà, il y a eu vraiment une coopération entre spécialités médicales qui étaient un peu en conflit, et entre la profession médicale, et bien sûr, alors c'est un peu moins vrai pour les personnels soignants non médecins, qui ont un peu plus subi, on pourra revenir là aussi dans les questions. Donc, on s'est dit, la coopération, c'est peut-être un déterminant essentiel de la satisfaction au travail. Et la satisfaction au travail, c'est vachement important, parce que ça permet la rétention des talents, ça permet d'améliorer le sens de sa mission. Et on a, aujourd'hui, on voudrait insister, et je vais le faire plus rapidement que je ne le fais, sur 3 causes, à notre avis, qui abîment les conditions de la coopération et qui expliquent peut-être aussi une forme de distanciation de certaines personnes vis-à-vis du travail et qui expriment peut-être aussi ce « quiet quitting ». La première raison, c'est que finalement l'accumulation, et ce n'est pas le discours de notre président hier qui va contribuer à affaiblir ces inquiétudes, c'est que l'accumulation de sombres nuages sur notre avenir commun crise écologique, peut-être une nouvelle crise sanitaire, menace géopolitique, problème économique, montée d'une remise en cause de la démocratie participative, représentative, il y a énormément d'inquiétudes, eh ben, font qu'il y a un affaiblissement du contrat social, notamment de des espérances qui sont placées dans le contrat social. Voilà, le contrat social, c'est aussi le fait qu'on se tourne tous vers l'avenir et qu'on se projette dans l'idée qu'un jour, peut-être, la société sera plus juste, plus équitable, plus performante, plus heureuse, je ne sais quoi. Et là, il y a un peu cet affaiblissement et ça a des conséquences sur le contrat de travail. Et notamment sur l'engagement dans le travail. C'est notre première hypothèse. On le sait depuis très longtemps. Voilà, les fumeurs compulsifs, tendanciellement, la sociologie de la santé l'a montré, ils sont plutôt dans des groupes sociaux économiques défavorisés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, se projeter pour eux dans l'avenir a moins d'importance. L'avenir est moins valorisé. Les économistes le montrent aussi. Hein, voilà, quand... Gagner, arrêter de fumer à 45 ans pour gagner 5 ans d'espérance de vie en bonne santé de 80 à 85 ans, voilà, quand on ne sait pas si on va avoir sa retraite. Donc, on sait que le rétrécissement ou l'accumulation de sombres nuages sur l'avenir a tendance à faire que les gens se replient sur l'ici et le maintenant. Et on pense que ça se fait aussi dans les organisations. Voilà. Hein, le contrat de travail, il doit être adossé à un contrat social qui fonctionne. Voilà. Et dans les organisations, nous, on a vu aussi quelques interviews, comme ça, par-ci, par-là, c'est encore très épars, on espère travailler sur ces questions-là, mais des gens qui ont quitté la fonction publique, hospitalière, par exemple, qui nous ont dit, bah, voilà, moi, j'ai bossé comme une folle, comme un fou à l'hôpital, et puis là, je préfère renoncer à cette perspective d'un travail à vie pour me mettre en intérim. Finalement, bon an, mal an, comme il y a beaucoup de demandes sur mes compétences, bah, je gagne à peu près ce que je gagnais, voire mieux. Et au moins, j'organise mon temps autour de ma famille, mes amis, mes activités. Le Covid a créé ces conditions de redécouverte de dimensions non professionnelles, peut-être sous-investies. Et le quoi qu'il en coûte a eu ça dans d'autres secteurs que la santé. Parce que, évidemment, enfin, sauf pour ceux qui étaient déprogrammés. Excusez-moi. Et donc, ça crée ce désengagement. Et c'est extrêmement difficile de manager des gens qui sont sur le départ. Voilà. Vous avez... Manager quelqu'un qui part, dans 3 mois, vous lui dites, est-ce que tu peux faire ça Désolé, ben, là il est 17h, je pars. Donc ce sont des gens qui sont plus compliqués à manager, donc comme disent les RH, plus difficiles à engager, mais ce sont aussi des gens qui ont plus de difficultés à susciter la coopération chez autrui, parce qu'ils demandent des choses et les autres disent, ça ne fait plus partie de la carte mentale de l'organisation, il n'y a plus de projection commune dans l'avenir de l'organisation, parce qu'il y a moins de projection aussi commune dans un avenir commun nécessairement. Bénéfique. Et ça, pour nous, ça une et je me tais, ça sape les conditions de la coopération. Ça contribue à les abîmer. Un petit changement là, comme ça, de l'animation physique dans le virtuel. Deuxième mouvement en fait qui sape selon nous les conditions de la coopération ou qui menace les conditions de la coopération, c'est ce que dont on entend parler, que vous avez sans doute vécu aussi, ce mouvement de rationalisation en fait des activités qui touche à la fois le secteur public et le secteur privé. J'insiste là aussi, c'est pas nécessairement péjoratif dans ma bouche, hein, puisqu'on voit aussi certains mouvements de rationalisation, c'était pour améliorer par exemple dans la santé la qualité des soins prodigués, etc. C'est pas uniquement la réduction des dépenses. En tout cas, il y a cette idée-là de rationalisation. Et ça, finalement, on l'a beaucoup médiatisé sur, effectivement, l'alourdissement du travail, l'appauvrissement des conditions de travail, etc. Mais nous, on met l'accent aussi sur les conséquences sur la coopération, en fait. C'est-à-dire que Premier point, en fait, avec ces mouvements de rationalisation, implicitement ou explicitement, il y a une hiérarchie qui s'est établie sur ce qui est important et ce qui n'est pas important. C'est-à-dire que finalement, les gens, et notamment ce qui est finalement, on le voit avec le traitement, par exemple, des machines à café, etc., où finalement c'est très dévalorisé parce que c'est d'une perte de temps, mais aussi on sait finalement qu'à des moments, c'est autour d'une café, la machine à café ou dans des temps informels que se réglaient aussi des questions de coopération, de projets, de petits projets, etc. Et puis, donc, du coup, on se resserre sur ce qui est considéré comme le plus important, et c'est-à-dire, bon, bah, c'est soigner, par exemple, et finalement, bah, d'autres aspects pourtant importants pour arriver aux soins sont un peu délaissés. Deuxième point, c'est la concurrence. Alors, certaines réformes publiques accroissent la concurrence. Et dans les organisations aussi, il y a beaucoup de stratégies pour mettre en concurrence, y compris en interne. On a pas mal d'exemples là-dessus. Mais aussi, ce qui est une concurrence finalement non attendue, inattendue, pas nécessairement voulue, c'est finalement qu'à partir du moment où il y a une rareté des ressources, eh bien, finalement, ça accroît la concurrence finalement entre les acteurs, et donc rend plus compliqué la coopération. Je suis très rapide et très schématique, évidemment, il y a beaucoup de cas, et notamment les gestionnaires qui parlent de la coopétition, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout pour opposer concurrence et coopération, mais en tout cas, il y a cette ligne-là qu'on veut investiguer. Troisième point, c'est finalement c'est ce que... La question, là, pour le coup, des problèmes de reporting, de charges administratives. Je relisais encore ce matin une étudiante qui est en train de faire un mémoire de master avec Henri et moi. Et en fait, ces constats, c'est tous les médecins, les secrétaires, etc., se plaignent en fait en disant « mais on passe notre temps dans le reporting et l'administration, on n'a plus le temps de se consacrer aux soins ». Et du coup, toutes ces contraintes, donc... elles ont la conséquence que commence à dire Henri, c'est-à-dire la coopération. La coopération, c'est pas quelque chose, justement, on hésite au don contre don, parce qu'en fait, la coopération, c'est aussi contraignant. C'est-à-dire si vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas nécessairement envie de faire, parce que vous vous projetez dans un avenir, parce que vous savez qu'en entretenant cette coopération avec cette personne, eh ben, vous allez réaliser des choses importantes. À partir du moment où on dit d'abord, et vous êtes très contraint sur vos activités principales, quand quelqu'un vient vous chercher pour coopérer sur ses activités, vous avez un peu plus de mal à le faire, parce qu'il dit « après je vais me faire taper dessus parce que j'ai pas le temps », etc. Et donc vous voyez, ça a des conséquences sur la coopération sur lesquelles on pourra revenir. C'est cette idée que, à partir du moment là aussi où là c'est le temps de travail qui se restreint, on a l'impression qu'on n'a plus le temps pour faire déjà nos activités principales sur lesquelles on va être évalué principalement, et bien faire un peu d'effort pour coopérer, ça devient compliqué, et surtout si on rajoute ce qu'a dit Henri dans la première. Troisième point, et je finirai là. Il faut que tu avances. troisième point, signalant un élément qui nous a frappé. On a écrit sous la direction d'Olivier Boraz au CSO, qui s'appelait la Société des organisations, où tous les chercheuses et chercheurs du CSO ont écrit un ou deux chapitres en commun, en binôme, pas nécessairement avec des collègues avec qui on avait l'habitude d'écrire, et on a écrit un chapitre avec Léonie Hainaut, mais ça s'appuie finalement sur plein de travaux, où en fait on se rend compte qu'il y a cette injonction contemporaine à la coordination face à la complexité organisationnelle que Henri a décrite en préambule et dans la présentation de la chaire. Et finalement, face à plus d'organisation, eh ben on a tendance à... finalement développer plus d'organisations, c'est-à-dire des procédures, c'est-à-dire ce qu'on appelle des standards, ou alors des dispositifs de coordination. Alors la santé est constellée d'acteurs ou de micro-organisations qui sont chargées de coordonner des secteurs. J'ai travaillé sur le cancer pendant 20 ans, et en fait j'ai vu avec le plan cancer, qui a apporté plein de choses, et là aussi c'est pas pour avoir une vue, je veux pas être trop schématique, hein, j'ai vu aussi certains progrès, mais... Déjà, l'Institut national du cancer, sa première mission, c'est de coordonner. Dans le plan, dans le rapport qui préparait le plan cancer, le terme coordination arrivait toutes les trois pages. Et depuis, de fait, l'INCa a créé plein d'instances de coordination pour mieux coordonner la recherche, pour mieux coordonner les soins, etc. Et en fait, ce sont des organisations souvent fragiles. C'est-à-dire que, on va dire... Très schématiquement, dans le cancer, il y a les CHU, il y a les centres de lutte contre le cancer qui sont dans des relations très complexes et parfois de concurrence, mais en tout cas très complexes, et de leadership, les hôpitaux privés, les autres hôpitaux généraux, etc. Et plutôt que d'essayer de réfléchir à quelles sont les conditions d'une meilleure prise en charge, comment faire en sorte que les gens coopèrent mieux. On va créer des réseaux de cancérologie, on va obliger les gens à créer des réseaux de cancérologie, on va créer des RRC, on va créer des 3C, etc. Tout ça, c'est des micro-organisations qui vont dire, vous allez vous débrouiller pour mieux coordonner les soins, sans donner nécessairement les moyens à ces structures de mieux coordonner. C'est à elles de trouver les ressources, sauf que les acteurs forts, ils restent les acteurs forts. Et en fait, souvent, ces acteurs s'épuisent, en fait, parce qu'ils n'ont pas de ressources, ni symboliques, parce que en général, ce n'est pas justement les leaders d'opinion qu'on va mettre là, ni financières, parce que ça reste limité, et ils doivent se débrouiller avec des problèmes qui sont ancestraux pour le cas du cancer. Et donc finalement, Léonie Wenno, qui a travaillé sur le médico-social avec Marie-Aline Bloch, elle a compilé un schéma que j'aurais dû mettre là, avec toutes les instances de coordination autour de l'autonomie. Rien que regarder le schéma qu'elle a fait, ça éclaire sur les difficultés qu'on voit aujourd'hui. Et donc ce que nous, on trouve dommage dans ces réformes, c'est de... Finalement, elles ne se donnent jamais les moyens de comprendre les déterminants fondamentaux de la coopération entre acteurs. Et en fait, quand ces dispositifs, souvent, sont en échec ou en échec partiel, on va plutôt créer une nouvelle institution, on va modifier son périmètre, mais sans réfléchir vraiment une évaluation sur qu'est-ce qui n'a pas marché pour entraîner les acteurs à coopérer. Et pour finir, je boucle avec finalement ce que disait Henri, donc je ne ferai pas la dernière, mais... ce qui nous a frappé avec cette crise du Covid, et je partageais ça encore dans un entretien avec quelqu'un qui avait été témoin aussi, et en fait, il n'y a pas eu de bilan sur toutes les initiatives positives qui ont été menées et qui ont permis cette coopération dans cette période exceptionnelle qui était le premier confinement, notamment. Et donc, finalement, on a fait, dans certains hôpitaux, des rétex, mais très, très rapides. Et d'ailleurs, les médecins disent « Bon, maintenant, j'ai une page que j'ai mise dans le, je ne sais plus où elle est ». Où on a fait, c'était presque plus des prises de parole, mais pas quelque chose d'organisé. Et en fait, on n'en tire pas des leçons sur pourquoi, pendant cette période, les lignes managériales et les lignes médicales et les cadres de santé ont mieux collaboré. Évidemment que c'était une période qui avait certaines spécificités, mais même dans cette situation spécifique, réfléchir sur pourquoi ça a marché, c'est une question intéressante. Et finalement, c'est ce qui nous inquiète un peu et qui inquiète beaucoup de personnes, c'est qu'on n'a pas tiré un certain nombre de leçons sur cette crise. Et dans les entretiens qu'on mène, y compris dans les urgences, etc., on voit aussi qu'une partie des départs, sans doute, sont liés en partie aux problèmes de moyens qu'on connaît, etc., mais aussi parce qu'ils ont connu cette période et ils se disent, en fait, c'était quand même possible de travailler dans des conditions plus coopératives. Et je m'arrête là.